Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ouais, on va donner deux, trois conseils. Ah, déjà, bienvenue chez nous. Hein. Vous avez une tenue en néoprène. Ceux qui n'ont jamais mis de combi en néoprène. Néoprène, c'est pas étanche. C'est pas comme si on a mis des bottes et qu'on allait dans l'eau, on n'est pas mouillé. Là, le néoprène, il est poreux. Donc l'eau, elle va pénétrer à travers les pores jusque votre peau. Ça, vous allez vite le sentir que ça rentre. Quand vous allez rentrer dans l'eau, vous allez sentir l'eau chaude qui est à 15 degrés tout de suite qui va monter. Oh, ça va, avez... La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est rempli, ça ne sort plus. Donc là, il y a une pellicule d'eau qui se met entre la combi et la peau et vous aurez 37 degrés à l'intérieur. Donc vous allez transpirer. Paraît pas, hein. Faut y croire, faut y croire. Donc là, on va marcher d'un pas rapide dans l'eau, vous verrez. Rapide ou pas, hein. Après, on fait en fonction des personnes. Vous êtes dans une association de bénévoles. Donc tous les gens qui sont là sont bénévoles. Les gens à l'accueil, les encadrants, tout le monde est bénévole. Vous allez voir, comme on dit, bénévole, mais pas amateur. L'expérience derrière, ça compte beaucoup. Pour se mettre dans l'eau, vous allez verrez, aujourd'hui, il y a pas mal de vagues, il y a du courant. Habituellement, on prend de l'eau jusqu'au niveau de la poitrine. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, parce que ça va être trop compliqué avec les vagues. On prendra un petit peu moins, pour dire d'avancer quand même. Parce que si là, aujourd'hui, on prend de l'eau jusqu'à la poitrine, les vagues vont passer par au-dessus, mais ce n'est pas gênant. Quand on a la vague qui passe par au-dessus de nous, ou même, il faut penser à souffler. Il ne faut pas trop anticiper, parce qu'il y a des gens qui font de l'apnée tout le long pendant une heure, ce n'est pas possible. Juste quand la vague arrive, on pense à souffler, on n'aspire pas d'eau. Ça marche ? Donc on prendra un bon niveau d'eau, quand même. On se déplace sur la pointe des pieds. On est bien souple sur la pointe des pieds, hormis les gens qui ont Après, on est souple sur les chevilles aussi. On est souple sur les chevilles, on est souple sur les genoux et au niveau des hanches. Ça, on est sur ressort. On ne donne pas d'impact dans le sol pour ne pas se faire mal ou à la cheville, ou au genou, ou à la hanche. On est bien souple. On met les mains devant. Pourquoi on met les mains devant? Parce que vous imaginez, il y aura les vagues, le courant qui va vous pousser. Si on est comme ça, on aura tendance à faire ça. Si on est droit, et si les lombaires, ils vont morfler. Okay? Donc on est penché légèrement au niveau du thorax, avec les mains devant, comme on pousse un caddie. Le roi Merlin, casse tout, ça marche aussi. Il y a pas que... Ça marche, les mains devant, pour dire de se pencher au niveau du thorax, pour ne pas se faire mal aux lombaires. On respire bien, on jette toujours un coup d'œil sous la vague, qui va venir de la droite quand on va partir, et qui va venir de la gauche, on va revenir forcément. S'il y a quelqu'un qui a un petit problème de santé, elle vient me voir, moi, ça va rester à moi, ça va rester ici, et fin de la session, c'est oublié, hein. il n'y a pas de souci. Hein. On ne sait jamais, quelqu'un qui a un petit problème de santé, ça pourrait arriver. Hein. Vaut mieux le savoir avant que déclencher l'hélicoptère, qu'il ne faudrait pas. Quoi. Voilà. Sur ce, ça devrait bien se passer. Là, on va faire le briefing pour tout le monde. On va avancer, vous allez nous attendre au bord de l'eau et on va partir avec moi et puis avec Yves Mo, qui est là. Je cherchais là-bas, il est là. Voilà. Allez, à tout de suite. Orange givré, c'est comme vous voulez. On verra tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est ça. Et gardez le sourire, hein, c'est obligatoire. Voilà. Ça va là. Alors, par contre, on n'a pas dit aux filles, mais normalement, on ne doit pas parler pendant la longe. Non, je déconne. Hein, parce que ça, c'est impossible. Ben, de toute façon, c'est impossible. On a essayé 100 fois et c'est pas possible. Voilà. Ben, on va aller écouter le briefing global maintenant. Hein.